L'autre jour, Malkaï maman, pour me t'aller parler pour vous, parce que vous, toi, fréquent. Lui-même, lui déclarer, si tel maladie, yo vend moi nan marché. Sans seul bagay pour me faire, si l'elle tombe troisième, c'est mettre qui croise sous lit. Le ça l'a respecté, la vie l'a adoré, la page genou n'a pied. Yo jour, Livin Barat li di, bonjour chéri. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas parler. Oh. Après m'vin rencontrer, li tombe embrassé, moi fais déclaration. Moi si tellement content. Mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté matissant, mal et la caille sans sang. Tombé fait mauvais sang, tombé craché sang, vine convalescent. Passé, ils ont fibré, mais et puis c'est vrai. Ils comprennent nos flèches pour brésiller. Et monsieur fatigue m'a prié. Ils aiment moins connaître ça, m'a passé. Son fibré, mais et puis c'est vrai. Ils comprennent nos flèches pour brésiller. Gade ki jan ou fè pa pre kwak. I mama chéri ou konèm gen kòb. Tout sa ou vle I ma pase tel. I di mi yon ti mò pou m konsole. I gade ki jan ou fè pa pre kwak. I mama chéri ou konèm gen kòb. Tout sa ou vle I ma pase tel. Ti mio ti mo pou m konsole. E wi kou kou de voisinaj. E ka mete ou da tribotaj. E ma goute sa mon apiti. Se ou m reme ma mi chéri. E wi kou kou de voisinaj. E ka mete ou da tribotaj. Mon appétit, c'est où me réveille ma vie chérie. à la chita ma fleuri, Baga ma pe fleuri, non pas besoin parler. Je ménage moins mourir, moi t'es dans l'autre pays, mais ma pe joui. Yo téléphone moi, et ce jour-là, il m'émotionne. Quelle douleur, je dis à trouver nos malheurs. Mes amis, quelle douleur, je dis à trouver nos consoler, Ti moun ma jwenn pou konsole. Mwen yo mwen kope genye. Bagye mwen kope bagye. Mwen yo mwen kope genye. Bagye mwen kope bagye. Ale ki le wi, men a jwenn mougi. Ti moun ma jwenn pou konsole. Mwen yo mwen kope genye. Bagye mwen kope bagye. Mwen yo mwen kope genye. Pour courage,